Bon matin, Bush, comment ça va? Ça va bien, je vous écoute. Écoute, moi, ce que je disais, c'est qu'à peu près une quinzaine d'années, je faisais ces mêmes services-là, puis un soir, en revenant de l'école, il y a quelqu'un qui a décidé de fumer du pot comme ça dans l'autobus. Le chauffeur a arrêté immédiatement l'autobus et a débarqué tout le monde. Je peux-tu te dire que l'étudiant fautif s'est fait regarder de travers par tout le monde? Toutes les autres, il a fallu qu'ils marchent pour se rendre jusqu'à chez eux. Ben oui, mais aujourd'hui... Qui était dans faute, là. Mais ça, c'est excellent. Plus loin, je suis pas sûr que c'est une solution, mais d'avoir débarqué avant, ça a eu un effet bœuf, par exemple. Ouais, mais aujourd'hui, les chauffeurs, s'il y en a qui veulent appeler, là, mettons un chauffeur ferait ça, là. Tout le monde dehors, est-il, fume de pote, va se faire regarder de travers. Tout le monde va rester en dedans. Tu dis, ah ouais, fais ta job, il y a rien là, lui, là. Tu sais, ça, dans le temps, il y avait suffisamment d'autorité pour expulser tout le monde de l'autobus. Et votre point est excellent. Ça se revirait contre le gars qui avait mal agi. Puis là, il se faisait regarder de travers. Aujourd'hui, Jean-David, je suis pas sûr que ça marcherait demain. On parle pour parler, là. Ça marcherait pas, toi? Moi, je suis pas sûr que ça marcherait demain. Merci, Jean-David. On va aller jaser avec Olivier. Olivier, bon matin. Allô? Salut. Bon, ben c'est ça. Moi, je suis fils de chauffeur. Bon, je suis rendu plus vieux maintenant, là. Mais j'en ai entendu beaucoup des histoires d'un peu toutes les sortes. Puis les circuits de Beauport, ça fait longtemps que c'est reconnu, effectivement, comme étant une situation à problème, là. Je me souviens pas quel 50 quoi, mais ça fait beaucoup de sens à mes oreilles. Mais un des trucs qui est oublié ici, au niveau des solutions, c'est que des grandes villes comme Toronto, New York, puis là, toutes les autres que vous pouvez penser... ces cités-là, ils ont eu des gros problèmes de violence, d'attaque sur les chauffeurs. Ils ont fini par poser des caméras de sécurité à l'intérieur. Donc, les jeunes ou les gens qui prennent l'autobus sont filmés s'il arrive quelque chose. Et ce que les chauffeurs ou le RTC semblent oublier, c'est que des actions comme lancer des bouteilles à quelqu'un, ça s'appelle un droit de fait et c'est pénible. Ça peut être puni dans la loi. Ah, ça, je commence à aimer ça. Là, on est tellement tolérant, on va se regarder dans le miroir un peu. Les jeunes sont turbulents, c'est peut-être parce qu'on leur laisse trop de laisse. Admettons que tu mets des caméras partout, puis dès qu'il y a une action, d'abord, tu confrontes les parents. Moi, ça fait des années que je le dis. C'est le problème des profs qui ont de la misère à se faire croire par les parents. Acceptez donc des caméras dans vos classes. Pas dans les classes, Butch. Mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. C'est rendu l'État omniprésent, Big Brother, pas tout. T'es un bon prof, t'es une bonne prof. On est même rendu dans la sécurité, là. T'es un bon chauffeur, t'es une bonne chauffeuse, mets une caméra. Là, le parent qui dit, non, mon enfant, rien fait de mal. C'est qui, là, qui lance la bouteille, là? Hein? On est rendu là, puis tolérance zéro envers les gestes de violence, ça, j'haïs pas ça. Et dans les compagnies d'autobus scolaires, ça se fait déjà installer des caméras. Dans oui. plusieurs autobus jaunes, on voit ça. Par contre, dans les autobus du RTC, ben, on semble dépourvu de ces appareils-là. Mais c'est pas drôle qu'on en soit rendu là. Mais on en est rendu là. Merci Olivier, on mais termine à Montréal, avec oui, on l'a Marc. Vu avec le chauffeur qui s'était fait tabasser là. Ah ben oui. Il y en avait des caméras dans l'autobus à Montréal. D'un autre côté, c'est je viens de dire oui là, en même temps je me rends compte que ça prend ça là. Ça prend des caméras partout. On n'a pas le choix, sinon on n'est plus capable de juste faire régner un peu l'ordre dans un bus du RTC à Québec que toi les chauffeurs veulent plus aller là. Puis une chauffeuse désespérée en soit rendue à dire « Personne sort d'ici, je vous amène à la fin du circuit. » Tu sais... Mais moi, j'ai une plus grosse question sans réponse. Là. Comment ça se fait que les parents prennent pas leurs responsabilités? Ton prof t'appelle, le prof de ton enfant t'appelle. D'abord, c'est pas tous les parents. Il fait pas exprès là pour te dire « Ton enfant, ça va pas bien, on a besoin d'une rencontre, quelque chose. » là. C'est pas tous les parents, mais là, on vit au même débat. Si on a des enfants rois, il y a toujours bien quelqu'un qui leur a posé la couronne sur la tête. Et je pense qu'il y a des parents aujourd'hui dans des situations de divorce qui se sentent un peu coupables. Il y a des concours de popularité entre parents pour lesquels il va être le plus fin. Puis là, ben l'enfant a toujours raison. On les voit de moins en moins. Les gens travaillent comme des malades. C'est pas de leur faute. Des cols rouges, ils arrivent le soir. Ils sont gentils, ils sont fins. Ils ont pas le temps pour la discipline. Puis, Mais tu reçois un appel du RTC te disant que ton fils ou ta fille a lancé une bouteille de n'importe quoi à la tête du chauffeur. C'est un signal d'alarme, là. Je sais, ils appelaient chez nous, les parents, les profs, des fois. Je sais, qu'est-ce qui se passait quand une professeure appelait chez nous. Je sais, en deuxième année, ils ont appelé ma mère pour dire que j'arrêtais pas de parler. Puis que si elle me faisait pas jouer 30 minutes dehors à tous les soirs, j'étais dehors de l'école. Alors, ça a pas été que c'est ça, mesure de fou. Sylvain, il est fin, à la maison, il est pas si pire, que c'est ça. C'est, j'ai mangé une go. C'était 30 minutes, y compris à moins 30, dehors, tous les soirs, moi. Sinon, ça me calmait. Dormais mieux. J'arrivais le matin, ça allait, c'était mieux. Mais je me souviens du réflexe, puis je suis sûr que tous ceux qui ont mon âge s'en souviennent. Nos parents prenaient pour les profs, ou les chauffeurs d'autobus, ou les directeurs, nommez-les. Ils prenaient pour... Ils étaient du bord de l'autorité, les parents. Fait que quand il venait le temps de confronter les enfants, t'avais pas raison. Aujourd'hui, ça a été inversé. Et c'est, mais ce qui s'est passé dans les rues au printemps dernier, c'est le reflet, José Thury, mais mon point, il est bon. C'est tellement ça. C'est le reflet de la société québécoise. T'as des casseurs dans la rue versus des policiers. C'est les policiers qui sont blâmés. C'est les casseurs qui ont raison. Marois, ce qu'elle a fait, Madame Marois, CPE, Maman Pauline, pauvre petit casseur, pauvre petit carré rouge, c'est la faute de Charest, c'est la faute de la police, elle vient de mettre un comité d'enquête, c'est la police! Avec sa chum de la CSN, son chum du PQ, pauvre petit casseur! Au Québec, c'est de même, l'autorité ne tient plus. Fait que l'exemple de la chauffeuse d'autobus, mais regarde, que ce soit dans les écoles, dans les rues, ça a même la bonne nouvelle, là, c'est ça.